le plus rien dire dans les répondeurs. Se détourner de ce qui disent. Moi je sais en tirer l'heure. Avec moi n'ayez plus peur. Qu'il en reste encore. Allongez-vous un instant, paupières closes et ventre creux. Respirez l'instant présent et détachez le bleu des cieux et l'enfermez profondément. Détendez-vous, relaxez-vous en respirant. Un peu d'air frais, tant qu'il en reste encore.